Tout de suite après, le fantôme du roi défunt dévoile à Hamlet que Claudius l'a assassiné. Il explique qu'il est venu l'empoisonner lorsqu'il faisait sa sieste. Hamlet, surpris, se montre apte à la vengeance. Il tente de se calmer lorsque le fantôme disparaît. Les deux gardes le rejoignent et cherchent à savoir ce qu'il a dit. Hamlet ne veut pas leur dire, par peur des fuites, mais leur fait jurer de ne pas parler de ce qui s'est passé cette nuit. Il les informe que pour répondre à la demande de son père, il feindra la folie et leur demande de garder secrète toute cette conversation. Alors qu'au château, on attribue la folie d'Hamlet au fait qu'Ophélia refuse l'amour qu'il lui porte et qu'il lui a manifesté en lui adressant des vers, arrive au château une troupe de comédiens. Hamlet leur demande de jouer le lendemain, devant le roi et la reine, le meurtre de Gonzague, en y incluant des vers qu'il a lui-même écrits. En faisant jouer cette pièce, Hamlet estime qu'il pourra observer le roi Claudius et s'assurer que le spectre disait la vérité. Pour avoir confirmation sur l'explication de la folie que manifeste désormais Hamlet, le roi Claudius et son chambellan, Polonius, le père d'Ophélia, assistent en cachette à ce dialogue entre Hamlet et ensuite Ophélia.